السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى a dit dans son noble livre: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien ce qui nous a été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable. Ils auront là des épouses pures et ils y demeureront éternellement. Et il est rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de la meilleure des œuvres et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: la foi en Allah et en son messager, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La foi est donc la chose la plus précieuse pour le musulman et elle comporte d'énormes mérites et bienfaits ici-bas et dans l'au-delà pour celui qui la concrétise. Il est donc très important pour le musulman d'étudier ce sujet, de se le rappeler constamment et de faire des efforts pour mettre en pratique ce qu'il a appris et ainsi concrétiser sa foi du mieux que possible par la permission d'Allah. Dans ce cours, nous allons donc expliquer de manière résumée, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, un certain nombre de hadiths sur la foi mentionnés par l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah dans son livre Al-Jami' al-Sahih mimma laysa fi al-Sahihayn, qui est un livre dans lequel il a rassemblé un grand nombre de hadiths authentiques tirés de différents recueils de hadiths comme le Musnad de l'imam Ahmed et les Sunan al-Arba'a, mais qui ne sont pas présents dans les deux recueils authentiques de Bukhari et Muslim. Et par simplicité, nous nous contenterons de mentionner le nom du compagnon ainsi que l'imam ayant rapporté ce hadith, mais sans mentionner la chaîne de transmission dans son intégralité. Et nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous aider et de nous accorder la réussite. Donc premièrement, le cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah, a mentionné un chapitre sur les mérites de la foi. Et il a mentionné dans celui-ci, rahimahullah, le hadith de Abdurrahman ibn Jubayr, d'après son père qui a dit: « Jalasna ila al-Miqdad ibn al-Aswad yawman, famarra bihi rajulun faqal, touba li hatayn al-aynayn » اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون. Nous étions assis un jour avec Al-Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu, lorsqu'un homme passa et lui dit: bienheureux sont ces deux yeux qui ont vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, j'aurais aimé voir ce que tu as vu et assister à ce que tu as assisté. Lorsqu'il entendit cela, il s'énerva. Je me suis donc étonné, car il n'a dit que du bien. Il est donc venu vers lui et lui a dit: qu'est-ce qui pousse l'homme à souhaiter assister à une chose qu'Allah ne lui a pas fait assister, sans même savoir comment elle aurait été s'il lui aurait assisté? Puis il a dit: Wallahi, laqad hadara Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqwamun akabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquh awala tahmadun Allah idh akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum musaddiqin lima ja'a bihi nabiyyukum qad kufitum al-bala bighayrikum. Par Allah, des gens ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah les a fait plonger en enfer. Ils n'ont pas accepté son appel, ils n'ont pas cru en lui. Louez donc plutôt Allah qui vous a fait sortir en ne connaissant que votre Seigneur et en déclarant véridique ce avec quoi est venu votre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, alors qu'autres que vous vous ont suffi dans l'épreuve. Puis il a dit, Wallahi, laqad ba'atha Allah nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala ashaddi halin bu'itha alayha fihi nabiyyun min al-anbiya ala fatratin wa jahiliya. ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Par Allah, Allah a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la pire situation dans laquelle un prophète a été envoyé, après une période d'interruption des prophètes et dans une période d'ignorance. Les gens voyaient dans celle-ci qu'il n'y a pas de religion meilleure que l'adoration des idoles. Il est donc venu avec le discernement avec lequel il a discerné entre la vérité et le faux, et par lequel le père et le fils se sont divisés. Et ce, jusqu'à ce que l'homme voie son père, son enfant ou son frère en état de mécréance, alors que lui, Allah, lui a ouvert son cœur à la foi. Il sait donc que si son proche meurt ainsi, il rentrera en enfer. Ainsi, ses yeux ne peuvent pas trouver le bonheur, alors qu'il sait que son bien-aimé sera en enfer. Cependant, elle est pour ceux auxquels Allah Azza wa Jalla a dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ et qui disent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et également par l'imam al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Ce hadith et Athar comportent de grands enseignements et de très nombreux bénéfices. Et parmi les plus importants de ceux-ci, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour le serviteur, et de ne pas s'attrister d'une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas accordée. Et ce, même si c'est un immense bien, comme le fait d'avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, car il ne sait pas comment il aurait été si c'était le cas. En effet, il est possible qu'il n'aurait pas patienté face à la pression de son peuple et aux épreuves qu'ont supportées les nobles compagnons, radiyallahu anhum. Qu'il remercie donc Allah, subhanahu wa ta'ala, de lui avoir accordé la foi et n'espère pas une chose qu'il n'aurait peut-être pas supportée. Et de la même manière, qu'il soit satisfait de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a accordé comme bien de ce bas monde et ne s'attriste pas à cause des biens mondains qui lui ont échappé. En effet, il est possible que s'il était très riche, ce grand nombre de biens l'aurait préoccupé par autre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pire encore, qu'il se serait servi de ses biens pour la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'il soit donc satisfait de ce qu'Allah lui a prédestiné, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, ainsi tu seras le plus riche des gens. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. La personne doit donc faire des efforts dans le bien, mais si une chose lui échappe après avoir accompli les causes et fait des efforts, alors il ne doit pas s'attrister de cela. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le grand mérite des nobles compagnons, radiallahu anhum, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont secouru malgré les grandes difficultés et épreuves qu'ils ont supportées. Ils ont consacré leur vie à secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propager sa religion. Ainsi, il est donc obligatoire de les aimer, de les respecter, de prendre exemple sur eux, de ne jamais les dénigrer et de n'avoir aucune rancœur envers eux. Comme il a dit Tabaraka wa Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Et ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Parmi les bénéfices de ce affaire également, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque sa famille est musulmane. En effet, celui qui a des proches n'étant pas croyant va ressentir en lui une grande tristesse, et ce, car il sait que s'il meurt dans cet état, ils seront éternellement en enfer. Cependant, il ne doit pas désespérer, mais plutôt, il se doit de faire des efforts pour les appeler à l'islam, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur à la foi. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant est un hadith mentionné par le cheikh Muqbil rahimahullah dans un chapitre nommé « Le mérite de croire en l'invisible ». Et c'est le hadith de Abdullah ibn Muhayriz qui a dit « J'ai dit à Abu Jum'a, un homme parmi les compagnons, radiyallahu anhum, « Hadithna hadithan, sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » قال نعم أحدثكم حديثا جيدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني lui a dit Mentionne-nous un hadith que tu as entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a répondu, d'accord, je vais vous mentionner un très bon hadith. Nous avons déjeuné avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et avec nous, il y avait Abu Ubaida ibn al-Jarrah qui a dit, ô messager d'Allah, y a-t-il quelqu'un de mieux que nous? Nous sommes devenus musulmans avec toi et avons combattu avec toi. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, oui, des gens qui seront après vous et croiront en moi sans m'avoir vu, rapporté par l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a également rapporté d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Touba liman amana bi wa ra'ani marra, wa touba liman amana bi wa lam yarani sab'a marrat. » Bienheureux sont ceux qui ont cru en moi et m'ont vu. Il a dit cela à une seule reprise. Et bienheureux sont ceux qui ont cru en moi sans m'avoir vu. Et il a dit cela à cette reprise. Et dans un autre hadith de Anas également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Waditu anni laqitu ikhwani »« Qal, faqala ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam »« Awalaysa nahnu ikhwanuk »« Qal, antum ashabi » « Walakin ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais aimé rencontrer mes frères. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc dit, ne sommes-nous pas tes frères? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, non, vous, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans m'avoir vu, rapporté par l'imam Ahmed. Ces hadiths prouvent le très grand mérite de la croyance à l'invisible, c'est-à-dire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son livre, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé dans sa sunna sans que la personne n'ait vu ou assisté à ces choses. Et certes, la croyance à l'invisible est une des plus grandes caractéristiques des croyants vertueux, comme il a dit jalla wa ala, Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Alif Lam Mim, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les vertueux qui croient en l'invisible et accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Et il a dit subhanahu wa ta'ala وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Le paradis sera rapproché à proximité des vertueux. Voilà ce qui vous a été promis à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voit pas et qui vient avec un cœur pur. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Ces hadiths prouvent également le grand mérite de ceux qui croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu. En effet, il est plus facile de croire en ce que l'on voit que de croire en ce que nous n'avons pas vu. Ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir vu ont donc un mérite supplémentaire de ce point de vue-là particulièrement. Et ce, même si de manière générale, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs de cette communauté et personne après eux ne peut atteindre leur rang et leur degré. Comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ceux de ma génération. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'insultez pas mes compagnons. En effet, si l'un d'entre vous dépensait en or l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'atteindrait pas la poignée de l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Muttafaqun alayh. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Abu Bakr, radiallahu anhu, qui a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décédé, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام هذا عام الأول ثم بكى أبو بكر ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسألوا الله المعافى فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافى ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Il a dit radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu à cet endroit lors de la première année. Puis Abu Bakr radiallahu anhu se mit à pleurer. Il dit ensuite, soyez véridique, car la véracité est avec la bienfaisance, et tous les deux sont au paradis. Et prenez garde au mensonge, car il est avec la perversion, et tous les deux sont en enfer. Demandez à Allah le salut, car rien n'a été donné de mieux à une personne après la certitude que le salut. Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous détestez pas, ne coupez pas vos liens et ne vous tournez pas le dos. Ce hadith comporte énormément de bénéfices, et parmi les plus importants de ceux-ci, le fait d'être véridique et de prendre garde aux mensonges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuha allazina amanu attaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin » Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et il a dit jalla wa ala « Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqin sidqahum » لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, la véracité mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Et certes, le mensonge mène à la perversion, et la perversion mène en enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le grand mérite de la certitude. La certitude, qui est la science complète, ne comportant pas le moindre doute et impliquant de vrai, comme l'a défini l'imam Ibn Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil-akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun » qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur le chemin droit de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « La certitude est pour la foi ce que l'âme est pour le corps. C'est par celle-ci que les différents degrés des connaisseurs se discernent, pour celle-ci que rentre en compétition ce qui y rentre, et pour celle-ci que ceux qui œuvrent font de grands efforts. Et elle est avec l'amour un des deux piliers de la foi. » La certitude comporte donc d'énormes mérites ici-bas et dans l'au-delà. Elle aide à patienter face aux épreuves, à vivre avec l'âme et le cœur apaisé, à placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, à avoir de l'ascétisme dans ce bas monde, à méditer le Coran et à trouver la quiétude. Et certes, la réelle certitude ne peut être atteinte qu'avec la science bénéfique et en œuvrant et en appliquant cette science. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le grand mérite du salut est d'être préservé de tout mal. Et certes, parmi les invocations que répétait très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, Ô Allah, je te demande le salut dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Allah, je te demande le pardon et le salut dans ma religion, ma vie mondaine, pour ma famille et mes biens. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, La rectitude du serviteur ne pourra être complète dans les deux demeures que par la certitude et le salut. Et ce, car la certitude repoussera de lui les châtiments de l'au-delà, et le salut repoussera de lui les maladies mondaines de son cœur et de son corps. Enfin, parmi les bénéfices de ce hadith également, l'obligation de s'écarter et de prendre garde à tout ce qui cause de l'animosité et de la division entre les musulmans, comme le hasad, le fait de se tourner le dos, de se détester les uns les autres, etc. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an Abi Darda radiallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal li kulli shay'in haqiqa wa ma balagha 'abdun haqiqata al-iman hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun li yukhti'a wa ma akhta'ahu lam yakun li yusiba. D'après Abu Darda radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, toute chose a une réalité, et certes, le serviteur ne pourra atteindre la réalité de la foi que quand il saura que ce qu'il a atteint ne pouvait lui échapper, et que ce qui lui a échappé n'aurait pas pu l'atteindre, rapporté par l'imam Ahmed. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que le serviteur ne pourra atteindre la réalité de la foi qu'en sachant que ce qui l'atteint ne peut pas lui échapper, et que ce qui lui a échappé ne pouvait pas l'atteindre. En effet, la croyance au destin bon ou mauvais est un des six piliers de la foi mentionné dans le hadith de Jibril alayhi salam. Ainsi, il est obligatoire au serviteur de croire au destin bon ou mauvais, de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la certitude que tout ce qui arrive dans l'univers est prédestiné par Allah, tabaraka wa ta'ala, de par sa sagesse parfaite, et de savoir que tout le bien se trouve dans ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrété et prédestiné. Il a dit, jalla wa ala, Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant de l'avoir créé. Et cela est certes facile à Allah. Et ce, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultez pour ce qu'il vous a donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Ensuite, le hadith suivant est le hadith de Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu qui a dit Kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityan hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Il a dit Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions des jeunes proches de la puberté et nous avons étudié la foi avant même d'étudier le Coran. Ensuite, nous avons étudié le Coran et notre foi augmenta par celui-ci, rapporté par Ibn Majah. Ce hadith prouve la grande importance de l'étude de la science et plus particulièrement la science de la croyance authentique et des piliers de la foi. L'étude de la croyance authentique est donc une chose essentielle pour le musulman. C'est une priorité dans sa vie et c'est également une priorité dans l'éducation et l'enseignement des enfants. Il est donc obligatoire d'enseigner aux enfants les bases de la croyance authentique, l'unicité d'Allah Azzawajal, les piliers de l'islam et de la foi, etc. Et il est également obligatoire à l'adulte d'étudier cela, de le réviser et de se le rappeler constamment. Parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que la foi augmente par les obéissances Et parmi les plus grandes causes d'augmentation de la foi, l'étude de la science et l'apprentissage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Al-Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu qui a dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدنون لها. Il a dit radiallahu anhu: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire: il ne restera pas à la surface de la terre une seule maison, fixe ou temporaire, sans qu'Allah n'y fasse rentrer la parole de l'islam, par la puissance d'un puissant ou l'humiliation d'un humilié. Soit Allah, Azza wa Jal, les honorera et les mettra parmi les gens de l'islam, ou soit il les humiliera et ils obéiront à celui-ci. Rapporté par l'imam Ahmed. Ce hadith grandiose est une grande annonce et une bonne nouvelle, et surtout à notre époque où l'islam est attaqué de toutes parts. En effet, il indique que l'islam se propagera sur l'ensemble de la terre, et ce, même si les kuffars font tout leur possible pour empêcher cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Ainsi, il ne restera pas un endroit sur terre sans que l'islam n'y parvienne. Celui donc qui l'acceptera et rentrera dans l'islam, il sera honoré et puissant par celui-ci. Quant à celui qui refusera d'y entrer, alors il sera humilié et vivra dans l'humiliation. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam an ibn Abbas radiallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala li la yubghidhu al-ansar ahadun yu'minu billahi wal yawmil akhir. D'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ne croyant en Allah et au jour dernier ne peut détester les Ansar. Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith prouve le grand mérite des nobles compagnons, les Ansar, qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont accueilli chez eux et l'ont défendu afin qu'il puisse transmettre le message de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants, à eux le pardon et une récompense généreuse. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les tout premiers parmi les émigrés et les Ansar, et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et certes, les textes du livre et de la sunna sont très nombreux sur le sujet. Ainsi, il est obligatoire de les aimer, de les respecter et de ne jamais les dénigrer. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne croyant en Allah et au jour dernier ne peut détester les Ansar. Et il a dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des Ansar est un signe de la foi, Et détester les Ansar est un signe de l'hypocrisie, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le hadith suivant, et qui est le dernier de ce cours, est ce hadith. An Abdillah, anna an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, atahu bayna Abi Bakr wa Umar, wa Abdullah yusalli, faftataha an-nisa'a fasahalaha, faqala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ثم تقدم يسأل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطه سل تعطه سل تعطه فقال فيما سأل اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد قال فأتى عمر عبد الله ليبشره فوجد أبا بكر قد سبقه فقال إن فعلت لقد كنت سباقا بالخير رواه الإمام أحمد. D'après Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui entre Abu Bakr et Omar, alors que Abdullah était en train de prier. Il a donc commencé à lire Surat An-Nisa jusqu'à la terminer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: celui qui souhaite lire le Coran comme il est descendu, alors qu'il le lise selon la lecture de Ibn Ummi Abd. Ensuite, il a commencé à faire des invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à dire: demande, il te sera donné. Demande, il te sera donné. Demande, il te sera donné. Il a donc dit, parmi ce qu'il a demandé, ô Allah, je te demande une foi qui ne disparaît pas, un bienfait qui ne s'interrompt pas, et la compagnie de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le plus haut des jardins de l'éternité. Omar est donc venu voir Abdullah après cela pour lui annoncer la bonne nouvelle, mais il a trouvé Abu Bakr qui l'avait déjà devancé. Il a alors dit, si tu l'as fait, tu es certes un précurseur dans le bien. Ce hadith prouve le très grand mérite de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et sa connaissance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui souhaite lire le Coran comme il est descendu, alors qu'il le lise selon la lecture d'Ibn Mas'ud. Ce hadith prouve également la grande compréhension des compagnons radiyallahu anhum et parmi eux Abdullah ibn Mas'ud. En effet, dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a fait cette invocation qui renferme la demande des plus grandes des choses ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, il a demandé une foi ferme et permanente, ne comportant aucun doute. Et ceci est la plus grande et la plus importante des choses qui peut être recherchée dans cette vie mondaine. Et ce, car c'est la clé du bonheur éternel. Il a ensuite demandé un bienfait qui ne s'interrompt jamais, c'est-à-dire le paradis qui est éternel et dont les bienfaits sont pour l'éternité. Et pour finir, il a demandé la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et ce, car c'est le plus haut degré, et c'est donc ce qui doit être le plus recherché dans l'au-delà. Ce hadith prouve également qu'il est recommandé d'annoncer aux croyants les bonnes nouvelles qui le réjouissent et mettent du bonheur dans son cœur. Et il prouve également le grand mérite de Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu qui avait l'habitude de devancer les gens dans le bien. Ainsi se termine l'explication des hadiths du premier cours de cette série. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la rende profitable et qu'il nous guide vers tous ceux qui l'aiment et qui l'agréent. Hada والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد